إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre quatrième assise autour de l'étude de cette explication des conditions de la ilaha illallah de son éminence Cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés à la quatrième condition. الشرط الرابع يقول الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il sache que ces conditions, l'origine, c'est les écrits de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala. Et Cheikh Ubayd, comme il l'a annoncé dans l'introduction, il ne fait que l'interprétation des preuves de ces conditions, avec la parole des hommes de science, comme il l'a dit auparavant dans l'introduction. Il dit, la véracité qui est le contraire du mensonge, et cette véracité qui interdit l'hypocrisie. Et la preuve de la véracité, il cite le verset dans Sourate Al-Ankabut, l'araignée, où il dit « Alif, lam, mim, est-ce que les gens croient qu'ils vont dire « Nous avons cru » et qu'ils ne vont pas être éprouvés ?« Nous avons éprouvé ceux avant eux » Pour que Allah subhanahu wa ta'ala sache qui est véridique et qui est menteur. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Et il recite aussi la deuxième preuve pour la véracité qui est dans sourate al-Baqara, au début de sourate al-Baqara, où Allah subhanahu wa ta'ala donne les descriptions des hypocrites. Et il est dit dans ce verset, il est des gens qui disent nous avons cru en Allah et en le delà, mais en réalité ils ne sont pas des croyants. Ils trahissent Allah et ceux qui ont cru, mais en réalité ils ne se trahissent qu'eux-mêmes, ils ne le sentent pas. Dans leur cœur il y a la maladie, et Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté leur maladie et ils auront l'énorme châtiment parce qu'ils étaient des menteurs. Ils n'étaient pas véridiques dans ce qu'ils prétendaient. Le mensonge est le contraire de la véracité et le fait d'être véridique. C'est pour ça que le Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayhi, a ramené ce verset comme preuve. وَمِنَ السُّنَّةِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَادْ بْنُ جَبَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Et dans la sunna dans ce qui est confirmé dans les authentiques, c'est-à-dire chez l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, rahimahumullahu jami'an, hadith de Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout un chacun qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, avec véracité dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu de l'enfer. Avec véracité dans son cœur. Il atteste véridiquement. Yaqulu Sheikh Ubaid, qawluhu alif lam mim, قال البغوي رحمه الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء أن يقولوا أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب إلى أن قال وقيل وهم لا يفتنون أي لا يفتنون بالأوامر والنواهي وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعضهم فأنزل الله هذه الآية Cheikh Ubaid, Habibullah Ta'ala, de commencer l'interprétation des preuves, des conditions de la ilaha illallah, en respectant la condition qu'il a aimée dans son introduction, il ramène l'interprétation des hommes de science dignes du nom, et l'interprétation du pieux prédécesseur, Ridwanullah Alim. Et ici, concernant le verset qui est cité comme preuve pour la véracité, et qui est un verset qui fait partie de la sourate de l'araignée, Alif Lam Mim, est-ce que les gens croient qu'une fois qu'ils disent nous avons cru, ils ne vont pas être éprouvés? Il dit, il cite les paroles de l'Baraoui rahimahullah dans son exégète. Il dit, est-ce que les gens croient qu'ils vont être laissés comme ça sans être éprouvés, sans passer d'examen? Ils vont être laissés comme ça à dire nous avons cru, sans être éprouvés, sans passer d'examen? Ils croient qu'ils ne vont pas être éprouvés dans leur personne, dans leur fortune. Non, certes, nous allons les éprouver pour qu'apparaisse le véridique de l'hypocrite et le véridique du menteur, jusqu'à ce qu'il ait dit Wahum la yuftanun, ne seront-ils pas éprouvés par les ordres et par les interdictions? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il leur a ordonné tout simplement, il leur a donné émis l'ordre de croire tout simplement au début. Et après, il leur a fait obligatoire la prière, la zakat et les autres législation. Et ceci a été difficile pour certains. Certains l'ont vu que c'est difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset. Tum azahum faqal wa laqad fatanna alladhina min qablihim. يعني الانبياء والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا وليعلمن الكاذبين والله أعلم بهم قبل الاختبار ومعنى الآية وليظهرن الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومة انتهى الغرض محل الغرض. Et dans ce qui est cité ici par Cheikh Ubaid Hafidahullah de l'interprétation de l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, et après Allah subhanahu wa ta'ala les a apaisés, il leur a montré en leur disant nous avons éprouvé ceux avant vous parmi les prophètes et parmi les croyants parmi les prophètes, parmi ces croyants, il y a des gens qui ont été si honteux. Certains parmi eux ont été tués. Le peuple de Banu Israël a été éprouvé par Pharaon. Hein? Il les tuait, il leur faisait subir toute forme de châtiment. Et tout ceci, comme il est dans le verset, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala chasse, sache qui sont les véridiques. Qui sont les véridiques dans leur dire, quand ils ont dit nous avons cru. Et pour qu'ils sachent qui sont les menteurs. Et avant l'épreuve et avant l'examen, Allah subhanahu wa ta'ala, il le savait. Avant l'épreuve et avant l'examen, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et la signification du verset, c'est pour que apparaissent les véridiques et les menteurs, et que la différence soit claire. Hein? Et ici s'arrête la citation de l'interprétation de البغوي رحمه الله تعالى وغفر له قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآيات هذا إخبار من الله جل وعلا عما درج عليه المنافقون من إظهار الإيمان بألسنتهم وإضمار الكفر في قلوبهم مخادعة لله زعموا والمؤمنين كي يغتروا بهم ويركنوا إليهم والنتيجة العكسية لهذه المراوغة هي خداعهم أنفسهم ولكنهم لا يشعرون بذلك لفرط جهلهم وخبث طويتهم. Et en ce qui concerne l'autre verset dans sourate al-Baqara, il est des gens qui disent nous avons cru en Allah et en au-delà jusqu'à la fin des versets, ça c'est une annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre comment la situation dans laquelle étaient les hypocrites, comme quoi ils faisaient montrer la foi par leur langue et dans leur apparence, mais ils cachaient dans leur fort intérieur la mécréance. Dans leur cœur, ils cachaient la mécréance. Hein? Pour trahir Allah et les croyants, prétendent-ils, en agissant ainsi, pour que les croyants se fassent avoir par eux, et pour que les croyants soient bons avec eux, et ils soient avec eux. Et le résultat, c'est tout à fait le contraire. Le résultat de cette esquive de la part des hypocrites, c'est qu'ils se trahissaient eux-mêmes. Mais ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une grande ignorance. Et parce que leur intérieur, il est impur. يَقُولُ وَالْبَاعِتُ لِأُولَٰئِكَ عَلَى هَذَا التَّلَوُّنِ وَالْكَذِبِ هُوَ الشَّكِّ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Cheikh de nous dire, Hafidhahullah Ta'ala, ce qui les a poussés, ces hypocrites, qu'est-ce qui les a poussés à se colorer comme ça, et à jouer comme ça, et à être double face, à l'intérieur dans lequel il y a l'hypocrisie, à l'extérieur dans lequel ils montrent la foi, c'est le doute. C'est le doute. Et il est dit dans le verset, dans leur cœur, il y a la maladie d'Allah subhanahu wa ta'ala, a augmenté leur maladie. Et donc, cher de nous dire, la récompense découle de la catégorie de l'acte. Hein? C'est l'acte qui fait prévaloir la récompense qui convient. يقول هذه عقوبتهم في الدنيا وذلك نظير قوله تعالى في كفار بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وأما عقوبتهم في الآخرة ففي قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشيخ دنودي حفظه الله تعالى. Ça c'est leur châtiment dans ce bas monde. Il dit ça c'est l'équivalent, hein, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne les mécréants de Banu Israël, où le verset dit quand ils ont divié Allah subhanahu wa ta'ala, divié leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples pervers. Quant à leur châtiment dans le delà, il est dit dans le verset, ils auront l'énorme châtiment parce qu'ils étaient des menteurs. ونظير ما قصه الله عن المنافقين في آيات البقرة هذه قوله تعالى من سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Et l'équivalent de ceci, de l'histoire des hypocrites, c'est ce que nous cite Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran concernant l'équivalent de ce qui a été cité dans les versets dans Surat al-Baqarah. Son équivalent se trouve aussi dans Surat al-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la description des hypocrites. Il dit certes, les hypocrites trahissent Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il les trahit. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent paresseux. La prière est lourde pour eux. Ils le font par ostentation pour que les gens disent qu'ils prient, pour que les gens les voient. Ils n'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala que peu. Ils sont une fois avec les croyants et une fois avec les mécréants. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. C'est-à-dire tu ne peux pas le guider. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala décrète que quelqu'un soit égaré, tu ne peux rien pour lui. Enlève-toi de là-bas, barakallahu fik, viens par ici. Reste pas une partie dans le soleil, une partie dans l'ombre. Cela a été interdit par le messager alayhi salatu wa sallam. Toute personne dont une partie du corps est au soleil, une partie à l'ombre, il doit se lever de là. Toi aussi, viens par là, Inch'Allah. Hein? Toi aussi. Faut grâce sur ta tête. Toi aussi. Viens là. Par là, on rentre carrément à l'intérieur, c'est pas un problème, vous passez par là, il y a de la place par là. Hein? Toi aussi. Viens par là. Enlève-toi de. Viens là. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى أي بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده والحال أن الله خادعهم بمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان. ابن سعدي رحمه الله nous dit pour l'interprétation de ces versets cités aussi dans sourate An-Nisa, il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce la situation des hypocrites. Et la mauvaise situation, la situation blâmable dans laquelle ils étaient, et les caractéristiques blâmables et très mauvais dans lesquels ils sont, dans leur voie à trahir Allah subhanahu wa ta'ala, prétend-il, en montrant la foi et en cachant la mécréance. Ils croient que ceci, Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas ou ne le voit pas, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le faire divulguer à ses serviteurs. Mais la situation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les trahit, tout simplement par l'existence de cette situation dans leur vie. Et tout simplement parce qu'ils sont dans cette voie-là. Et cette situation, en réalité, c'est une trahison d'eux-mêmes. Et quelle plus grande trahison, énorme trahison, que la personne va dans un chemin et accourt vers un chemin et accomplit des actes qui vont lui prévaloir le fait d'être privé, d'être privé du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être déshonoré et rabaissé. يقول ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه حيث جمع بين المعصية ورأى حسنة وظنها من العقل والمكر فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم إلى آخر الآيات. الشيخ السعدي بن دير رحمه الله تعالى وغفر له. Ceci prouve qu'ils sont diminués, que quelqu'un qui agit ainsi, il est diminué dans sa raison. Parce qu'il a uni entre la désobéissance, il voit que, c'est, que le fait de désobéissance est bien, et il a cru que ça, ça fait partie de la raison, de l'intelligence, et de la trahison, et de la manigance. Et, cher d'attirer notre attention, regarde ce que fait le jahl, l'ignorance, de celui qui baigne dedans. Et fait partie de la trahison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là, quand il les traite comme il le mérite, le jour de la résurrection, ce que nous cite dans l'autre verset. Le jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Enlève-toi du soleil, barakallahu fik. Voilà. Le jour de la résurrection, il est dit dans le verset, le jour où les hypocrites, ainsi que les hypocrites hommes et femmes, disent à ceux qui ont cru, laissez-nous avoir un peu de votre lumière, il leur sera dit, revenez en arrière, et cherchez de la lumière. Et il y a une barrière qui se dresse entre eux et les croyants. À l'intérieur de cette barrière, il y a la clémence. Et dans son apparence, il y a l'énorme châtiment. Et ils appellent les croyants en leur disant, nous n'étions pas avec vous. Naam, dans l'apparence. Mais en réalité, ils n'étaient pas avec eux. Wa min sifatihim, annahum idha qamu ila salat, allati hiya akbaru ta'at al-amaliya, in qamu qamu kusala. متتاقلين لها متبرمين من فعلها et fait partie de leurs caractéristiques comme il dit dans le Coran quand ils se lèvent et quand ils se lèvent pour la prière et la prière c'est la plus grand, le plus grand acte de, d'obéissance le plus grand acte d'obéissance quand ils se lèvent s'ils se lèvent à cette prière ils se lèvent en étant paresseux alourdi, alourdi, il leur apparaît très difficile de faire la prière et très lourd. Et ils essayent d'esquiver de ne pas la faire. والكسل أخ الإسلام يقول ابن سعدي رحمه الله لا يكون إلا من من فقد الرغبة من فقد الرغبة من فقد الرغبة من قلوبهم والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة في من قلوبهم فلولا أن قلوبهم كانت راغبة فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عاجمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عاجمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. Et Cheikh Saadi de nous montrer d'où vient cette paresse et le fait d'être paresseux ainsi, il dit ceci vient de quelqu'un dont le cœur il est vide de l'envie d'Allah subhanahu wa ta'ala et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala réserve. Il dit si leur cœur n'était pas vide de ceci et si leur cœur n'était pas vide de la foi, ils ne seraient pas paresseux. La paresse ne serait pas l'une de leurs caractéristiques. يراؤون الناس، أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهم، مراءة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله. يراؤون الناس، ils font la prière par ostentation pour que les gens voient qu'ils prient. Et ça, c'est ce qui est renfermé dans leur fort intérieur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a divulgué. Et ça, c'est l'origine de leurs œuvres. Cette ostentation qui est enfermée dans leur cœur, ça, c'est l'origine de leurs œuvres. Se faire voir par les gens. Hein? Et pour qu'ils soient pris en considération par les gens. Et pour qu'ils soient respectés par les gens. Et pour que, alors qu'ils ne sont pas sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا لا يذكرون الله إلا قليلا لامتلاء قلوبهم من الرياء فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته. C'est pour ça le verset continue de dire, comme l'interprète Cheikh Saadi rahimahullah, il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, il n'invoque que peu. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont pleins d'ostentation. Et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et le fait que le cœur, et le fait que la personne soit constamment dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut être que d'un croyant dont le cœur est plein de l'amour d'Allah, et plein de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas dans le cœur de quelqu'un qui aime que les gens parlent bien de lui. Hein? Et qui veut que les autres le respectent, et ainsi de suite. Abadan akh al-islam. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا. أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين. وهذا أعظم ضلال. Et concernant la suite du verset, ils sont entre ceux-là et ceux-là, c'est-à-dire entre les croyants à un moment donné avec les croyants, à un moment donné avec les mécréants. Ils n'appartiennent ni à ceux-là ni à ceux-là. Ça veut dire qu'ils sont entre deux situations, entre la situation des croyants et la situation des hypocrites. Bah, ils ne font pas partie des croyants au niveau de leur apparence et au niveau de leur intérieur. Et il ne faut pas partie des mécréants au niveau de leur apparence, dans leur apparence, avec les mécréants au niveau de leur apparence et de leur intérieur. Ils ont donné leur apparence aux mécréants, mais ils ont donné leur intérieur, hein? Ils ont donné leur apparence aux croyants, et ils ont donné leur intérieur aux mécréants. Et ça, c'est un grand égarement. Hein? Faites de montrer la foi et de cacher la mécréance. Le fait d'apparaître en étant croyant et de cacher la mécréance. Ça, c'est l'énorme égarement. Ils ne sont nés avec ceux-là, dans leur fort intérieur et dans leur apparence, ni avec les autres, dans leur apparence et dans leur intime et dans leur fort intérieur. Là, ni à cela, ni à cela. L'apparence, il la donne aux croyants, et l'intérieur, il le donne aux mécréants. ولهذا قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. C'est pour ça que ça, c'est l'égarement décrété qui est le plus énorme. Pour ça que le verset il dit, celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, tu trouveras pas de chemin vers sa guidance, tu ne la trouveras pas. لن تجد طريقا لهدايته ولا سبيلا لترك غوايته لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمة. Et c'est pour ça que dans la suite du verset dit, hein, tu ne trouveras pas un chemin vers le cœur de celui-là pour le guider. Et tu ne trouveras pas un chemin pour la guidance de celui-là. Tu ne trouveras pas un moyen pour le sortir de sa déviance. Car son cœur, car la porte de la clémence s'est fermée pour lui. Hein? il a eu le contraire de la clémence. فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها من الصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا وأنهم لا يجهل عندهم ما عندهم من النشاط في صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليختر أيها أولى به والله المستعان انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له. Et ces descriptions blâmables prouvent et attirent l'attention sur le fait que les croyants, leurs descriptions et leurs caractéristiques, c'est la véracité, c'est la sincérité dans leur apparence et dans leur fort intérieur. Et que l'enthousiasme qu'ils ont pour l'adoration, il est connu, il est apparent. Que ce soit dans leur adoration, dans leur prière et dans le fait qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et ça prouve aussi que Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés et les a accomplis sur la voie droite. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et tout un chacun qui doué de raison, doit exposer sa personne à ces deux situations. Et qu'il choisit pour lui-même le mieux. Et seul auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala on cherche l'aide. Et ici s'arrêtent les paroles de Sa'di rahimahullah ta'ala wa ghafarala. Qawluhu wa mina sunna ma thabata fi sahihain an Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu ila akhirin. Et quand Cheikh Ibn Wahhab il a dit et de la sunna ce qui a été confirmé dans les authentiques, le hadith qu'il a cité jusqu'à sa fin de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda. قلت أي الشيخ عبيد وهو كما قال فقد أخرجه الشيخان برواية أنس عن معاد ولفظ البخاري رحمه الله تعالى وغفر له أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رذيفه على الرحل قال يا معاد بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاد قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأتما انتهى والشاهد من الحديث قوله صدقا من قلبه. Et Cheikh de nous citer la version du hadith rapportée par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Mu'ad derrière lui sur sa monture il a appelé Mu'ad, ya Mu'ad. Il lui a répondu, présent ya Rasulallah. Il l'a appelé trois fois. Et après il lui a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya Mu'ad, ou tout un chacun qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah avec véracité dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu de l'enfer. Mu'ad lui dit, ya Rasulallah, est-ce que je l'annonce aux gens pour qu'ils aient cette bonne nouvelle? Rasul lui a dit, non. Il lui a dit, ils vont dans ces cas-là faire confiance à ça, tout simplement. Ça veut dire, comme nous l'avons vu ce matin, que Omar ibn Khattab, contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Abu Huraira pour faire cette bonne nouvelle, mais cette fois-ci, avec, en ayant la certitude dans le cœur, Omar ibn Khattab a fait revenir Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu warda, et il a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit de leur annoncer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Il a dit non, ne le fais pas. Sinon, ils vont faire confiance à ça, ils vont pas œuvrer. Ça veut dire, laisse-les œuvrer. Laisse-les accomplir les œuvres. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Issi et à Mu'ad, dans ce cas-là, ils vont faire confiance à ça, au fait d'avoir dit la ilaha illallah avec véracité dans son cœur. Mu'ad, quand est-ce qu'il l'a annoncé? Il l'a annoncé à la fin de sa vie, au moment de sa mort, pour ne pas être dans le péché d'avoir cassé une science qu'il a reçue du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et le témoignage dans le hadith, c'est quoi? C'est que il a dit la ilaha illallah avec véracité dans le cœur. Hein? قال الحافظ صدقا في احتراز عن شهادة النفاق عن شهادة المنافق. Et الحافظ بن حجر dans l'interprétation du Sahih al-Bukhari, de l'entrée du Bukhari, il a dit avec véracité, ça veut dire ça, se protéger du témoignage de l'hypocrite. قلت أي والقول للشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به وبهذا يظهر لك تطابق الحديث مع ما أورده المصنف من الآيات قبله على رد الشهادة إذا لم يجتمع مع لفظها اعتقاد القلب وقد أكد الله وقد أكذب الله المنافقين ورد قولهم مع تصريحهم بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إذ كان ذلك مقصورا منهم على النطق بالألسن فقال جل في علاه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Cheikh Obed de dire, je dis, partir de là, il t'apparaît combien ces hadiths qu'a cité Cheikh ici concordent avec ce qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abdelhab, rahmatullahi alayhi, et concordent avec les versets qu'a cité comme preuve l'imam Mohammed ibn Abdelhab, rahmatullahi alayhi, pour les preuves de la condition de la véracité. Et aussi sa preuve comme quoi le témoignage, si le témoignage ne concorde pas avec les croyances de cœur, il est rejeté. Le témoignage de la personne est rejeté. Si ça concorde, si le témoignage d'une personne ne concorde pas avec ses croyances qu'il y a dans le cœur, il est rejeté. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est du mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu menteurs les hypocrites. Et il a montré leur mensonge. Et il a rejeté leurs paroles quand ils ont déclaré l'attestation comme quoi, comme ils ont déclaré comme quoi, et Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il l'a rejeté et ne l'a pas accepté Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'ils l'ont dit tout simplement avec leur langue. Et que ceci ne concordait pas avec leur croyance dans leur cœur. Et il est dit dans le verset, un verset qui est consacré complètement aux hypocrites. Au début du verset, quand les hypocrites sont venus te voir, ils t'ont dit, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites mentent, sont des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rejeté. Pourquoi? Parce que ce qu'il déclarait avec la langue ne correspond pas aux croyances qu'il y avait dans le cœur. Et donc tous les textes cités par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdelhab vont de pair avec les autres textes cités ici par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Il nous montre comme quoi l'attestation de la langue, s'il n'est pas accompagné par la véracité du cœur et les croyants dans le cœur, sont rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها. Et dans le hadith, il y a des points à retenir plus que ce qu'il a été avancé. جواز تخصيص المعلم بعض تلامذه بمسائل من العلم دون الآخرين إذا خشي عدم فهمهم لها وعليه بوب البخاري رحمه الله فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. Et dans le hadith, il y a d'autres points à retenir, comme quoi il est permis de faire particulier certaines sciences à certains élèves par rapport à d'autres, de faire une particularité en donnant la science à certains, certaines choses de la science par rapport à d'autres, pour, par peur qu'ils ne le comprennent pas, ou par peur que ce soit lourd pour eux, ou par peur pour qu'ils soient perturbés. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a sorti un chapitre dans le livre de l'ilm, de la science, chapitre celui qui fait la particularité à une science, à des gens, hein, par peur que les autres ne la comprennent pas. Et ceci n'a rien d'étonnant. Ceci va de pair à l'islam avec ce qu'a dit Aïcha radiallahu anhu ardaha et ce qu'a dit Ali radiallahu anhu ardaha quand il a dit: parlez aux gens selon leur niveau. Sinon, vous allez amener les gens à mentir, à démentir Allah et son messager alayhi salatu wassalam. وفيه كذلك ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومرد ذلك إلى الشرع لا إلى العقل أخ الإسلام ومع قيام الدليل القطعي من الكتاب والسنة على هذا الجانب العظيم فقد غفل عنه الناس عنه كثير من الناس والله المستعان. يوسدون حديث le fait que repousser le mal passe et prévaut avant le fait de ramener un bien. Et l'origine de tout ça, et comment ceci doit se faire, il doit se faire selon la législation. Ceci n'est pas donné à la raison tout simplement, là, celui-ci se prend directement de la législation. Hein? Avec les preuves irréfutables de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et cher de nous dire, ce côté très important, beaucoup de gens sont inattentifs à ce point, qui le fait de repousser le mal passe avant le fait de ramener un bien. Où tu comprends repousser le mal dans le hadith qui est passé avec nous? Dans le fait que quand Mu'ad il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc je l'annonce aux gens, je leur fais la bonne nouvelle. Et dit donc, dans ces cas-là, ils vont faire confiance à ça. Ah, c'est là. La même chose que quand il y avait dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, Abu Huraira et Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Shartu al-Khamis. Al-Mahabbatu li-hadihi al-Kalima. Wa lima dallat alayhi wa al-Sururu bidalik. La cinquième condition, akhi al-Islam. L'amour de cette parole, quelle parole? La ilaha illallah, l'attestation de foi. L'amour de cette parole, de ce que prouve cette parole, et le fait d'être réjoui par cette parole, et de tout ce que prouve cette parole. Wa dalilul mahabbati qawluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, yuhibbunahum kahubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. La preuve de l'amour de cette sublime parole qui est la parole de l'unicité, c'est ce qui est rapporté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette traduction approximative. Il est des gens qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'ils mettent à pied d'égalité avec Allah, et ils les aiment plus que l'amour qui est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont cru sont d'un amour très fort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ya ayyuhal ladhina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Et aussi le verset qui dit: ô vous qui avez cru, celui qui apostasie de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener d'autres peuples qui vont aimer Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les aimera, et ils seront doux et modestes devant les croyants et fermes et durs devant les mécréants, et ils combattent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas peur de la parole de qui que ce soit, ils n'ont peur de la réprimande de qui que ce soit, ni des reproches de qui que ce soit. Wa alaykoum salam. Wa min as-sunnati ma thabata fi as-sahih an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفره. Et la preuve de la sunna, de cette condition de l'amour, ce qui a été confirmé dans l'authentique de l'imam muslim rahimahullah, il a dit de Anas radiyallahu anhu arda, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois choses, quand il se trouve chez une personne, il trouvera avec le goût exquis de la foi. Que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soit ce qu'il aime le plus dans ce monde. L'amour d'Allah et l'amour de son messager alayhi salatu wasalam doit être placé au-dessus de tout amour. Au-dessus de l'amour des enfants, au-dessus de l'amour de ce bas monde, de ce qu'il contient, etc. Et quand il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Et qu'il déteste de revenir à la mécréance après que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé de cette mécréance, comme il déteste d'être jeté dans le feu de l'enfer. Qawluhu ay qawlu al-imam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah al-mahabba li hadhihi al-kalima wa lima dallat alayhi wa as-sururu bidhalika aqulu wa hadha yatahaqqaqu bi amrayn wal qawlu للشيخ عبيد حفظه الله تعالى. La parole de Imam Muhammad ibn Abdelwahab rahimahullah ta'ala, l'amour pour cette phrase La ilaha illallah, et ce qu'il prouve, et le fait d'être réjoui avec cela, s'acquiert et s'accomplit, comme dit Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى, par deux points. Awwaluhuma إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ثانيهما نبذ الشرك. Ceci, pour acquérir l'amour de la ilaha illallah et se réjouir de tout ce que ça impose la ilaha illallah, ceci s'accomplit par deux points essentiels: le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de donner le dos à l'associationnisme, et de refuter l'associationnisme, et de détester l'associationnisme. قال المصنف رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمران. Et Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab rahmatullah alayhi dit: la base de la religion, et sa fondation, deux choses. La base de la religion et sa fondation sont deux choses à l'islam. Al-awwal al-amru bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lah wa at-tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfiru man taraka. Al-thani الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاذاة فيه وتكفير من فعله. Les deux points qui sont la base de la religion, une base principale de cette religion, premièrement, c'est d'ordonner l'ordre de réserver exclusivement l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et d'inciter les gens au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler les gens vers ça et de s'allier pour ça, pour l'adoration à Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de rendre mécréant tout un chacun qui délaisse ceci, qui délaisse l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, avertir contre l'associationnisme dans l'adoration, être ferme là-dessus et désavouer tous ceux qui sont dans l'associationnisme et qui font l'associationnisme et prendre comme mécréant celui qui fait un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عبيد حفظه الله فتأمل رحمنا الله وإياك هذا الكلام النفيس الذي يجب أن يعيه المسلمون عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة. الشيخ عبيد de nous dire médite que Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa sainte miséricorde, nous et toi, cette parole noble et cette parole importante que les musulmans en général doivent comprendre, les hommes de science et les prêcheurs en particulier aussi. Qawlo, c'est quoi cette parole? C'est deux points essentiels qui sont la base principale, qui sont la base principale de la religion. Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler pour ça, et de s'allier pour ça, et de prendre comme mécréant tout un chacun qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point, c'est d'avertir contre l'associationnisme dans l'adoration à Allah et d'être ferme là-dessus, et désavouer à tous mes créants et toutes mes créances. قوله أي قول المصنف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Et la preuve, Cheikh Hafidah Allah Ta'ala va commencer à donner les détails, les interprétations des versets qui sont cités par Cheikh Mohamed Abdel Wahhab rahmatullah alayh concernant cette cinquième condition. Et il dit, concernant le verset qui dit, il est des gens qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui les mettent à pied d'égalité avec Allah. يقول جاءت هذه الآية عقب آية ضمنها الحق جل ثناؤه عددا من الأدلة على وحدانيته وتفرده بالعبادة وعلى الرغم من تلك الأدلة إلا أنه كان من الناس من عمد إلى اتخاذ الأنداد وهم الشركاء وجعلوا لهم من المحبة مثل ما لله عز وجل. وفي معنى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Il dit concernant ce verset que ce verset du Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى, il est arrivé après un certain nombre de versets dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite comme quoi il est unique et comme quoi il est le seul digne d'être adoré. Il dit malgré ces grandes preuves, il est des gens qui ont pris des choses ou des gens qui les ont mis à pied d'égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala et les ont pris comme associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les ont aimés comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'amour qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci et qui voient ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Et ceux qui ont cru sont d'un grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui ont aimé le rasa soucé qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la signification de ce verset, ceux qui ont cru sont d'un grand amour à Allah subhanahu wa ta'ala, qawlani li ahli al-ilm. Deux paroles d'hommes de science concernant ce verset et la signification de ce verset. Ahaduhuma, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. أي من محبة المشركين لله لأن محبتهم للرب خالصة ومحبة المشركين مشتركة والثانية وتانيهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم والأول أرجح وأظهر والعلم عند الله تعالى الشيخ de nous dire concernant l'interprétation, la signification de ce verset, ceux qui ont cru sont d'un grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'un fort amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deux paroles d'hommes de science concernant ce verset. Cela veut dire que l'amour des associateurs à Allah subhanahu wa ta'ala, que les croyants, leur amour à Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus fort que l'amour des associateurs. Car leur amour, l'amour des croyants, il est réservé en particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'amour des associateurs, il est partagé. Il est partagé entre leur divinité. Le deuxième point, c'est que ceux qui sont crus sont d'un amour très fort, hein, cela, par rapport à l'amour que les associateurs ont à leurs associés. C'est-à-dire, l'amour des croyants est beaucoup plus fort. L'amour que vous, les croyants, à Allah subhanahu wa ta'ala, est beaucoup plus fort que l'amour que vous, les associateurs, à leur divinité. Mais il dit, Hafidhahullah, la parole première des hommes de science est celle qui prévaut. Et celle qui est plus claire. Et la science est à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire la parole des hommes de science qui prévaut, hein, et que Cheikh opte pour qu'il soit en avant, c'est celle qui dit que l'amour des croyants, il est pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'amour des associateurs, il est partagé. Et les autres, leur amour est pur, il est complètement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hafidhahullah wa matta'a bih wa adama umurahu fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wa fi al-ayati دليل على تحريم نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك المحبة كصنيع المشركين في تسويتهم أندادهم في المحبة بالله et il dit حفظه الله تعالى et dans ce verset il y a une preuve comme quoi il est interdit l'interdiction il y a ce verset contient l'interdiction d'une des formes du grand associationnisme qui est l'associationnisme de l'amour, comme on fait les associateurs, en mettant à pied d'égalité, hein, en donnant leur amour à pied d'égalité entre Allah et leurs associés. Et ceci, c'est une grande, une forme d'un grand associationnisme à l'islam. قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Et la preuve que cite Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh, ou vous qui avez cru, ceux qui apostat de leur religion, Cheikh yaqul lana hadha ikhbarun bi annahu subhanahu wa ta'ala min kamal qudrati wa ghina wa hifdhihi dina idardar irtadda anhu ahluhu al-mukhatabuna bihi awwalan bi annahu sawfa ya'ti biman yahmi hadha ad-din ويتحمله وهم متصفون بخمس صفات. Et dans ce verset, Cheikh Ubayd de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous annonce, hein, de par sa puissance complète et sa richesse qui n'a pas de limite et de par sa protection de cette religion que c'est des gens, que ceux à qui a été adressée cette religion, s'ils apostat, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette religion. Il va ramener des gens qui vont protéger cette religion, qui vont préserver cette religion. Et ces gens-là sont, ont cinq caractéristiques à l'islam, qu'on va nous citer chez Rabbi Deshi. L'oula, an Allah yuhibbuhum, litamassukihim bidinihi, wa shar'ihi, wa annahum yuhibbunahu, fayamtatiluna awamirahu wa nawahi. La première à l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les aime parce qu'ils se cramponnent à sa religion et à sa législation. Et parce que ils aiment Allah en se soumettant à ses ordres et en s'abstenant de ses interdits. La première. At-taniya linul janib li ahli al-iman. La deuxième caractéristique, ils sont doux, ils sont modestes avec les gens de la foi, avec les croyants. As-sifatu thalitha a'izzatin 'ala al-kafirin, aqwiya 'ala ahli al-kufr. Wa nadhiru hatayn as-sifatayn qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. La troisième caractéristique, c'est qu'ils sont forts et durs avec les mécréants. Hein? Et l'équivalent de ces caractéristiques sont dans notre verset. Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les croyants, sont fermes et durs et forts devant les mécréants, et ils sont doux entre eux. As-sifatur rabi'a. يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه. La quatrième caractéristique, ils combattent pour Allah subhanahu wa ta'ala et sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, tout un chacun qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et pour faire triompher et honorer sa religion et donner la force à sa religion. الخامسة لا يخافون في الله لومة لائم فيقولون بالحق أينما كانوا وفق ما توجبه الشريعة. La cinquième, ils n'ont peur du blâme de qui que ce soit, ils n'ont peur du dire de qui que ce soit, hein? Ils n'ont peur de réprimande de qui que ce soit, ils disent la vérité là où ils sont, ils disent la vérité qui concorde avec ce que implique, ce que impose la législation. يقول حفظه الله ومتع به وقد تحقق ما وعد الله به في هذه الآية على يدي أبي بكر الصديق وجيشه حين قاتلوا المرتدين من أهل الجزيرة عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعادوهم إلى حظيرة الإسلام. Il dit, ceci s'est accompli comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis dans ce verset. Il a été accompli par Abu Bakr Siddiq et son armée, des nobles compagnons qui étaient avec lui, qui ont combattu les apostats, qui ont apostasé dans la péninsule, juste après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Et ils les ont combattus jusqu'à ce qu'ils soient revenus dans l'islam. ما تفيد هذه الآية؟ Qu'est-ce que nous devons retenir de ces versets؟ يقول الشيخ عبيد أولا وجوب إخلاص العبادة لله. Premièrement, nous devons retenir de ce verset l'obligation d'accomplir l'adoration sincèrement pour Allah. ثانيا إثبات المحبة من جانب الرب وجانب العبد. Deuxièmement, confirmer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du serviteur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs. Hein? Et de l'autre côté, l'amour du serviteur et des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, tana'u Allah 'ala ahli al-iman bi kamal mahabbatihim la. C'est dans ce verset, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges aux gens de la foi. Hein, aux gens de la foi complète par aux gens de la foi complète par le fait qu'ils aiment Allah Azza wa Jal, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge. Rabi'an, أن العاقبة الحميدة لأهل الإيمان. Quatrièmement, la bonne fin et la fin louée, il est pour les gens de la foi, à l'islam. قوله في الصحيح, أي قول الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في الصحيح, et sa parole, c'est-à-dire la parole de l'imam محمد بن الوهاب dans les authentiques, dit قلت والقول للشيخ عبيد حفظه الله أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري. الشيخ عبيد de dire, je dis, ce hadith a été rapporté par الشيخان, par, c'est-à-dire par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et l'expression citée ici c'est celle de Bukhari, قوله تلات من كنا فيه, quand il a dit trois choses, trois caractéristiques sur celui qui les a. قال النووي في معنى الحديث هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. الإمام النووي رحمة الله عليه dans l'interprétation de صحيح مسلم, il dit de la signification de ce hadith est un énorme fondement parmi les fondements de l'islam. قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Les hommes de science, que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, ont dit le goût exquis de la foi, c'est le fait de prendre plaisir à l'obéissance. C'est quoi prendre le plaisir à l'obéissance? Ça veut dire que tu es en train de lire le Coran et tu l'as fermé, t'as qu'une envie, c'est de revenir vers le Coran. T'as fait une prière et tu sortais de ta prière, tu l'as terminé, t'as qu'une envie, c'est de revenir faire cette prière. T'as fait une umra ou autre, une envie, tu l'as fait avec plaisir, avec quiétude, et tu n'as qu'une envie, c'est d'y revenir. C'est ça, prendre plaisir à l'adoration. Tu invoques Allah, tu n'as pas envie de quitter l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء, les hommes de science ont dit le goût exquis de la foi, c'est le fait de prendre plaisir dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et de supporter l'agrément d'Allah, les difficultés pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément de son messager alayhi salatu wassalam. وإثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et préférer l'obéissance aux choses futiles de ce bas monde et aimer, et que le serviteur aime son souverain, aime Allah Azza wa Jal, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant à ses ordres, et en délaissant ce qui lui est interdit, et aussi aimer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu aimes le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Sinon le suivre, mettre en application ce qu'il t'a ordonné, suivre sa sunna, faire triompher sa sunna, aimer sa sunna, s'abstenir de ce qu'il t'a interdit. قال القاضي رحمه الله هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم داق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان. قال والحب في الله من ثمرات حب الله. Et le qadi rahimahullah dit ce hadith, c'est-à-dire a goûté le goût exquis de la foi, il a la même signification que l'autre hadith qui dit, hein, celui qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala, que a goûté le goût de la foi, celui qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme seul digne d'être adoré, et comme seul souverain, et l'islam comme religion, et Muhammad comme messager d'Allah. Il dit parce que l'amour d'Allah et du messager ne saurait être valide et réel pour quelqu'un, hein, et le fait d'aimer quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'aimer quelqu'un en Allah, et, hein, et le fait de détester de revenir à la mécréance ne pourrait être acquéri que par les personnes qui ont une foi forte et qui ont une force dans leur certitude, dans leur foi, et leur âme est inquiète par cette foi et par cette certitude, la quiétude, et que leur cœur a été ouvert à cette foi. Hein? Et la foi s'est mélangée à leur chair et à leur sang. Et c'est celui-là qui va trouver le goût exquis de la foi, c'est-à-dire le goût exquis de l'obéissance. Là, donc, la foi est très forte, et que la certitude est très forte dans cette foi-là. Celui-là, il va aimer Allah, il va aimer le messager d'Allah, il va aimer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que le messager alayhi salatu wasalam aime. Il va détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et tout ce que son messager déteste. Et quand il aimera quelqu'un, il l'aime pour Allah et pour son messager alayhi salatu wasalam. Et il détestera de revenir à la mécréance après que Allah subhanahu wa ta'ala l'en a sauvé. Hein? Et il a dit, et le fait d'aimer pour Allah et en Allah, tu aimes quelqu'un en Allah, ceci c'est le fruit de l'amour que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas venir d'autre chose. Il faut d'abord que tu aimes Allah pour que tu puisses avoir le fruit qui est le fait d'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'duhum, al-mahabbatu muwata'atul qalbi ala ma yurdi al-rabb subhanahu fa yuhibbu ma ahab wa yakrahu ma kareh. انتهى من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم. Certains ont dit, l'amour, c'est que le cœur aime ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il déteste ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Ça, c'est l'amour dans le cœur. C'est que la personne aime ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, il l'aime. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, il le déteste. Hein? Et comme il a dit Cheikh al-Islam, l'adoration, c'est toute parole et tout acte en apparence et dans le fort intérieur que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, la désobéissance, les péchés, l'innovation, la mécréance. Hein? Donc tout acte et toute parole apparente et cachée qui sont aimées par Allah Azza wa Jal, c'est de l'adoration. Donc prouver qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala comme on doit de faire, qui de suivre son messager alayhi salatu wasalam. Hein? Et la preuve, il en est clair et on est éprouvé avec ça, et la preuve est très claire dans le Coran. Des gens ont prétendu aimer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dites, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. وَقَالَ الشَّيْخ سُلَيْمَانَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. Et شَيْخ الْإِسْلَامِ بن تيمية رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد له، وذلك بثلاثة أمور. Cheikh Suleiman, rahimahullah, dans son interprétation du Kitab al-Tawhid, rahmatullah alayhi, il cite les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah parle de ce hadith. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous a annoncé que trois choses quand un serviteur il les a, il trouve le goût exquis de la foi. Et l'existence de ce goût exquis pour une chose, cela découle du fait d'aimer cette chose. Et celui qui aime une chose et qui a envie de la chose, quand il a ce qu'il veut et ce qu'il aime, il trouve le goût exquis de cette chose dont il a envie et qu'il aime. Et il est réjoui par le fait de l'avoir acquéri. Et il prend plaisir. Hein? Il dit ceci arrive, hein? Une fois qu'il a eu cette chose. Hein? Il a eu cette chose qu'il aime et dont il a envie. Et il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le goût exquis de la foi implique le fait de prendre plaisir et d'être réjoui. Et ceci suit quoi? Il découle de quoi? Du parfait amour du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il dit ceci s'obtient par trois choses. تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إيه il dit et les paroles sont Ibn Taymiyyah rahmatullahi pour parfaire cet amour, hein, et le vider de tout ce qui est va à l'encontre de cet amour, et le compléter, c'est que l'amour d'Allah et de son messager soit un amour, hein, plus fort que l'amour qui est dû à toute autre chose, c'est-à-dire plus fort que l'amour qu'on a pour nos femmes, qu'on a pour nos enfants, qu'on a pour notre fortune, qu'on a pour ce monde et ce qu'il contient, et qu'on a pour toute autre chose. Car l'amour d'Allah et de son messager, ça ne suffit pas tout simplement l'origine de l'amour. Mais il est obligatoire qu'Allah et son messager soient, leur amour soit plus fort et au-dessus de toute autre forme d'amour. Hein? قلت ولا يكون كذلك أي الكلام للشيخ سليمان ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله et il dit les paroles sont toujours à cette fois-ci à Suleyman, Cheikh Suleyman rahimahullah. Et ça ne peut pas être comme ça que s'il concorde avec son souverain, qu'elle aime ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il peut y arriver. قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et pour vider du contraire, quand il aime une personne, il l'aime pour Allah. Il l'aime pour Allah, non pas pour les choses futiles de ce bas monde. قلت أي والكلام لشيخ سليمان رحمه الله فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. Et Cheikh Suleyman de dire en commentaire, si quelqu'un aime une créature pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour un autre but, rien que pour l'amour d'Allah, pour Allah, ça complète, ça fait partie du fait comme quoi son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est complet. Car le fait d'aimer, hein, quelque chose que celui qu'on aime prouve le parfait amour qu'on a de cette, hein, de celui qu'on aime. C'est-à-dire, tu prétends aimer Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu aimes ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve que ton amour est complet pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes, s'il aime les prophètes d'Allah et les alliés d'Allah, parce qu'ils s'acquittent de ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala, ils accomplissent les actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et non pas pour autre chose, il les a aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. Et pour repousser le contraire de cette situation d'amour, c'est qu'il déteste le contraire de la foi, comme il déteste le fait d'être jeté dans le feu de l'enfer. قلت أي الكلام للشيخ سليمان رحمه الله إنما كره الضد لما دخل لما دخل قلبه لما دخل قلبه من محبة الله فانكشف له بنور المحبة محاسن الإسلام ولذائل الجهل والكفران وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب. Il dit رحمه الله تعالى en commentaire, Cheikh Suleiman, il a détesté le contraire, c'est-à-dire il a détesté le contraire de la foi. Il a détesté ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste parce que son cœur, il est rempli de l'amour d'Allah. Et avec cet amour, il y a eu une lumière qui lui a fait apparaître les bontés de l'islam et les vertus de l'islam. Et qui lui a fait apparaître clairement le blâmable de l'ignorance et de la mécréance. Et le mal de l'ignorance et de la mécréance. Et il dit ça. Ça, c'est l'amoureux qui est avec celui qu'il aime. Hein? Il aime Allah, et il aime ce qu'il agrée à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah, il aime le prophète d'Allah, les vertueux, et ainsi de suite, parce qu'ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et ça, c'est le réel amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة. Il dit comme il est rapporté dans l'authentique de Anas رضي الله عنه وارضاه qui a dit, et posons la question au prophète عليه الصلاة والسلام, quand est-ce qu'il y aura l'heure, quand est-ce qu'il y aura la résurrection. فقال ما أعددت لها. الرسول صلى الله عليه وسلم lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure, c'est ce que tu as préparé pour la résurrection. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الهم lui a dit يا رسول الله moi j'ai pas préparé beaucoup de prières. Il a des œuvres, mais il a dit j'ai pas préparé, pour ne pas tomber dans l'erreur, dire moi si j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, c'est fini. L'homme, il a des œuvres, hein. Il a dit tout simplement j'ai pas préparé beaucoup de prières et beaucoup de charité, mais j'aime Allah et j'aime son messager. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu seras avec ce que tu aimes. Wa fi riwayati al-Bukhari fa qulna wa nahnu kadhalik qala na'am قال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. Et dans l'autre, dans une version du Bukhari, les gens, les compagnons qui étaient autour du prophète عليه الصلاة والسلام ont dit et nous aussi يا رسول الله. Il a dit oui. Et Anas a dit et ce jour-là on était réjouis d'une grande réjouissance. Et Anas dans une version il dit moi j'aime رسول الله عليه وسلم Abu Bakr et Omar. Même si je fais pas les œuvres, j'ai pas accompli les œuvres qu'ils ont accomplies, j'aimerais être avec eux. Hein? Wa qawluhu mimma siwahuma fihi jam'u dhamir ar-rabb subhanahu wa ta'ala wa dhamir ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa qad ankarahu 'ala al-khatib lamma qala wa man ya'sihima faqad ghawa wa ahsanu ma qila fihi qawlan. Et à la preuve de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab rahmatullah alayhi dans le hadith mimma siwahuma, c'est-à-dire qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que toute autre chose, plus que ce qu'il y a en dehors d'Allah et de son messager alayhi salatu wasalam. Il a dit, et toujours les paroles sont à Cheikh Suleyman rahimahullah ta'ala dans son interprétation de Kitab Tawhid Taysir al-Aziz al-Hamid, dit là il a réuni entre eux les pronoms, le pronom du prophète et le pronom du messager siwa huma, alors que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté, il a refusé, il a blâmé de la part de ce prêcheur qui un jour en présence du prophète alayhi wa sallam il a dit, et celui qui leur désobéit il est égaré. Et Cheikh Suleyman dit les meilleures des paroles qui ont été dites à ce sujet-là. أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره أنه تن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو مجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقرير التكرير في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. Il dit la meilleure des paroles qui ont été dites à ce sujet-là, c'est ce qui a été dit par le Baydawi, rahimahullah, et d'autres. Il dit ici, il a fait le duel du deux pronoms, quand il a dit mimma siwa huma. Il n'a pas fait la séparation entre les deux pronoms. Pour faire l'allusion que ça veut dire l'union de cet amour, l'union de l'amour d'Allah et de son messager, c'est elle qui amène au but, et non pas une toute seule. Et non pas une toute seule. C'est-à-dire le fait d'aimer qu'Allah et de ne pas aimer le messager, ne va pas t'amener au but. Le fait d'aimer que le messager de ne pas aimer Allah, ça ne va pas t'amener au but. Donc, il faut la liaison entre les deux. C'est pour ça qu'il les a cités avec le même pronom dans un duel. Et le fait qu'il a ordonné à Al-Khatib de faire la séparation entre les deux pronoms, quand il a dit « Waman ya'sihima » et celui qui leur désobéit, il lui a ordonné de dire celui qui désobéit à Allah et désobéit à Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit parce que chaque désobéissance est indépendante de l'autre. Et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala implique la déviance. Et la désobéissance au messager alayhi wa sallam aussi l'implique, chacune toute seule. قلت وهذا جواب بليغ جدا الشيخ سليمان رحمه الله يدير ça c'est une réponse qui est très forte. الثاني حمل حديث الخطيب على الادب والاولى وهذا على الجواز. Et deuxième point concernant ces pronoms dans les deux hadiths, le hadith du khatib et le hadith ici de l'amour d'Allah et du prophète عليه الصلاه والسلام qui sont unis dans le même pronom. Elle dit, c'est que le hadith du Khatib, s'il faut le prendre sur, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur apprend le comportement en priorité. Le comportement en priorité. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الحاطب ناقل فيكون أرجح. Et une troisième réponse à ceci, c'est que ceci est arrivé comme à l'origine. Et le hadith du Khatib transporte vers quelque chose qui est mieux, qui est plus avenante, qu'il faut faire prévaloir et mettre en avant. قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران الإلقاء في النار والعود في الكفر. Et pour l'interprétation de la parole du prophète comme il déteste d'être jeté au feu de l'enfer, ça veut dire que la situation pour lui est identique. Hein? Il déteste d'être jeté dans le feu de l'enfer comme il déteste de revenir à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a sauvé. يقول الشيخ سليمان رحمه الله قلت وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون وهو تعالى يحبهم كما قال يحبهم ويحبونه. Il dit dans le hadith, il y a des points à retenir. Premièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Enlève-toi de là. Enlève-toi une partie au soleil, une partie à l'ombre. Enlève. Là, vous vieillissez avant l'âge, il faut vous adosser, quoi. Hein? Dit dans le hadith, il y a des points à retenir. Que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Que les croyants l'aiment et Allah subhanahu wa ta'ala les aime aussi, comme il est dit dans le verset, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Il les aime et aussi il l'aime. Hein? Wa fihi radd ma yadhunnuhu an-nas min annahu man wulida 'ala al-islam afdalu mimman kana kafiran fa aslama. Faman ittasafa bi hadhihi al-umur فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد في الإسلام. Et aussi à retenir dedans qu'il y a une réplique à ce que croient certaines personnes, que celui qui est né dans l'islam est mieux que celui qui était mécréant, qui s'est converti après. Mais la réalité, celui qui a ces caractéristiques, il est mieux que celui qui ne les a pas dans le sens large du terme. C'est pour ça que les premiers musulmans sont mieux que ceux qui sont nés dans l'islam, hein? Alors que les premiers musulmans étaient dans la mécréance, ils se sont convertis. Viens ici, viens. Laisse on le faire, mets-toi là parce que... وفيه كذلك رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا والصواب أنه إن لم يتوب كان نقصا وإن تاب فلا. Et aussi dans ce hadith, il y a la réplique aux extrémistes qui croient et qui s'illusionnent comme quoi celui qui fait un péché, c'est une diminution chez lui. Il aura une diminution, il diminuera au sens large du terme. Mais la justice et le vrai, c'est que si il ne se repent pas, il va diminuer. Mais s'il se repent, non, il ne diminuera pas. يقول ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة وإن كانوا في أول الأمر كفارا يعبدون الأصنام بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب قاله شيخ الإسلام أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Il dit رحمه الله تعالى c'est pour ça que les muhajirun et les ansar, ceux qui ont quitté la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine, sont les meilleurs de cette communauté. Alors qu'au début de leur vie, ils étaient des mécréants, ils adoraient les statues, ils adoraient tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, certes, celui qui passe de l'égarement à la guidée et des mauvaises œuvres aux bonnes œuvres, sa récompense se double. كم الذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. وفيه دلالة وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى من تيسير العزيز الرحمن. Il y a aussi le point à retenir, un autre point à retenir, la preuve comme quoi prendre comme ennemis les associateurs et les détester. Le hadith prouve qu'il faut les prendre comme tels, qu'il faut les prendre comme ennemis, qu'il faut les détester et qu'il faut les désavouer. Car celui qui déteste une chose doit détester celui qui accomplit cette chose. Hein? Quand il déteste la mécréance, il déteste comme il déteste, s'il déteste la mécréance et le fait d'être jeté au feu de l'enfer, il en est de même qu'il doit détester celui qui accomplit la mécréance. Et ici s'arrêtent les paroles de Cheikh Suleyman rahimahullah ta'ala dans l'interprétation de, dans l'explication qu'il a fait à Kitab Tawhid Taysir Al-Aziz Rahman. Ici on s'arrête aussi pour cette séance. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.